Nicolas Demorand sur France Inter. Reporter au cœur de la blogosphère avec des blogueurs scientifiques. Bonjour Sophie Becherel. Bonjour. Ils sont chercheurs ou journalistes scientifiques et sont peut-être en train de bouleverser le paysage de la recherche. Sur Internet, ils écrivent ce que la presse ne dit pas, ils parlent de leur quotidien, ils veulent une science plus participative. Avec eux, finit l'image du savant Cosinus enfermé dans sa tour d'ivoire. Ils ont moins de 30 ans souvent, ils sont équipés de haut débit, le mail, le podcast, le chat, le wifi, tout ça pour eux. C'est fastoche. Antoine Blanchard, agronome de formation, a ouvert son blog il y a 2 ans. Sous son pseudo Enro, il poste 2 à 3 billets par semaine. Au début, j'ai voulu créer ce blog pour comme on dit, un peu débusquer la fausse information scientifique ou corriger les erreurs dans les discours communs et courants que font les journalistes, mais également le grand public, n'importe qui. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une impasse, que essayer d'inculquer l'information qui venait d'en haut, ça apportait pas grand-chose à la discussion et c'était pas très intéressant. Et surtout, en parallèle, j'ai entrepris des études de sociologie des sciences, donc ça m'a apporté en fait une toute autre perspective. Maintenant, ce que je cherche à faire avec mon blog, c'est en fait établir une passerelle entre la science, les chercheurs et puis la société. Donc aussi bien dans un sens que dans l'autre. En somme, montrer aux chercheurs les sujets qui intéressent les citoyens, le plus souvent des questions en débat, les OGM, le nucléaire, le clonage ou les nanotechnologies par exemple. Et d'un autre côté, montrer aux profanes ce qu'est le travail d'un scientifique. Dans leur blog, les chercheurs ne se présentent pas comme des découvreurs géniaux, des mythes vivants. Au contraire, ils mettent un point d'honneur à expliquer leur quotidien, comment se fait la science. Réunions, relecture d'articles, recherche de crédit, bref, selon Pierre Mounier, ils la réhumanisent. Ce chercheur est éditeur du site Homo Numericus. Il y a tout un fonctionnement social de la recherche qui jusqu'alors a été relativement invisible pour le grand public, comme les jurys, les commissions, etc., et dont un certain nombre de chercheurs commencent à rendre compte, commencent à parler sur leur blog. Et ça, c'est intéressant parce que là, effectivement, le public peut voir, commencer à voir que la science est une activité sociale parmi d'autres. En fait, et donc qui est sujette à des pressions politiques, économiques, à des mouvements de mode, à des mouvements historiques, etc. Oui, c'est une question qui est rarement mise en avant. Seuls les profanes lisent ces blogs de sciences, Sophie ? Non, on trouve aussi des professeurs de sciences enthousiastes de trouver là de bonnes sources pédagogiques et qui les font d'ailleurs partager à leurs élèves. Et puis il y a des blogs très spécialisés où des chercheurs parlent aux chercheurs. Dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que le blog a tendance à remplacer les revues scientifiques traditionnelles telles Nature ou Science. Avec une différence de taille, il est possible d'actualiser sans cesse la connaissance, de la commenter, de la compléter, ce qui pose évidemment un problème épistémologique, souligne Pierre Mounier. Le propre des publications scientifiques traditionnelles, par exemple dans des revues à comité de lecture, c'est à un moment donné de stabiliser des connaissances qui pourront dans un second temps, et bien sûr, être remises en cause. Mais il y a une sorte de refroidissement temporel qui fait que des connaissances sont stabilisées à un moment donné, publiées, archivées, disponibles dans des bibliothèques. Et donc, à partir de ce socle-là, il y a de nouvelles discussions. Le propre des blogs, c'est que cette rapidité aboutit à une déstabilisation massive. Les connaissances, les résultats d'expérience sont immédiatement commentés et donc vont inciter le blogueur à retravailler, évidemment, ce qui est très bien du point de vue du cycle d'élaboration des connaissances. Mais à un moment donné, il faut bien que ce travail s'arrête. Le problème, c'est d'autant plus épineux en tout cas qu'au nom d'une science financée par des fonds publics, certains chercheurs britanniques ou américains militent pour un accès libre aux résultats. Le web regorge d'infos et les éditeurs de revues scientifiques ont donc du souci à se faire pour leurs abonnements payants. Et ça se passe comme ça chez nous aussi, Sophie ? Bon, pas encore. Bloguer, vulgariser la science, ça relève encore d'une démarche individuelle très peu reconnue par les pairs, comme en témoigne Jean-Marc Galland, biologiste moléculaire au CNRS et animateur d'un blogcast, une émission de science téléchargeable, sur Radio Aligre. Il y a une contradiction, un paradoxe très très fort entre le discours qui est les chercheurs doivent communiquer, doivent faire de la vulgarisation, ça doit devenir obligatoire, c'est vrai, c'est un discours qui est tenu par les tutelles. Maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance de ces activités-là, au mieux elle est nulle, au pire elle nuit aux chercheurs qui les font. Et je parle en connaissance de cause parce que je fais en même temps partie des commissions qui jugent, évaluent les activités des chercheurs et très très souvent, les dossiers qu'on voit passer avec des activités de vulgarisation, le commentaire qu'on entend, oui, ah bon, c'est bien gentil, il va dans les lycées avec un camion, le bar des sciences, bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il a publié ? Si vous êtes tenté, sachez qu'ouvrir un blog de science est très facile. Il existe un récent site hébergeur qui regroupe la communauté des blogueurs scientifiques français. Il s'appelle Café des Sciences. Merci Sophie Becherel. Il est 7h19. Les titres sur France Inter. Fin de la campagne officielle en Irlande. Le référendum sur le traité de Lisbonne, c'est demain. Alors ce sera oui ou ce sera non. L'Europe, en attendant le résultat, suspend.